Ce soir, One Dead Incorporated Show réanimation. Je ferai le survol partie 2 des sorties métal qui m'auront interpellé pendant l'été. Été qui d'ailleurs terminé depuis mercredi dernier. Ce qui signifie qu'enfin la chaleur accablante fait partie du passé. Le froid s'installera peu à peu. La lumière diminuera de plus en plus. Ce qui me permettra de me terrer dans l'ombre et de recommencer ma collecte de matières premières. Donc, tenez-le vous pour dit, ce qui semble bouger dans un buisson la nuit pourrait s'avérer être pire que de se faire arroser par une moufette. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin qui affiche dans son cabinet ses trophées de chasse, trophées qui ne font pas partie du règne animal. Devinez de quel genre il s'agit. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are undead, incorporated, 'cause I, Pendragon, said so. Go.

89.1 FM. Vendredi 16 octobre, 21h30. Les formations montréalaises, le Vaisseau d'or ainsi que Navé Confit débarquent en force à Trois-Rivières et prennent d'assaut le Zénob. Pour une soirée alternative indie-pop franco, soyez avec nous au Zénob pour le Vaisseau d'or et Navé Confit. Ce vendredi 16 octobre, 21h30. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Hey Mag, écoute ça, tu connais? Non, je connais pas. Attends, moi aussi j'ai quelque chose pour toi. Écoute, c'est un nouvel artiste là. C'est là que je tends les bras, que nos corps s'embrassent. Êtes-vous prêt, vous aussi, à lancer des défis aux audacieuses, tous styles musicaux confondus? Toi aussi, sois audacieux et assume ton côté mélomane avec Magali et Karina. Les audacieuses, tous les mercredis à 19h. En rediffusion les samedis à 18h. Suivez-nous sur notre page Facebook. Hey, j'ai pas rien que ça à faire, pardon. Est-ce que vous avez-tu besoin d'aide, madame? Hey, vous seriez bien gentil, monsieur, mais comment vous remercier? Est-ce que ça vous tente d'animer la radio? Ben là, mais hein? Embarquez! À son plage requis, here we come! Assemblage requis avec Mathieu Plante et Tania Baudin du lundi au jeudi matin de 6h30 à 9h30. En direct à partir de 7h30. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 29 septembre de l'an de disgrâce 2015. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. Ce qui n'est pas plus dire. C'est beaucoup plus tard que l'heure à laquelle je me couche habituellement. On vient d'entendre le premier bloc d'ouverture d'émission qui était constitué principalement de stoner, de parfois à caractère doom, dans lequel on a entendu à l'instant la formation américaine Down. Et je dois le dire, avec quelqu'un avec qui je renoue énormément, il s'agit de Phil Anselmo. J'avais été pendant plusieurs années quelque peu désintéressé de sa carrière, principalement avec Pantera. Je trouvais que c'était un groupe qui tournait un peu en rond et qui m'amenait pas grand-chose de formidable côté musical. Mais avec Down, je me suis de plus en plus réintéressé à ce qu'il fait. Je trouve que Anselmo a un excellent vocal avec sa band et fait un très bon travail. Et aussi, je suis un fan de Pepper Keenan, ex et renouveau Corrosion Conformities, qui fait un travail admirable aussi à la guitare. La pièce étant Rich Tripper, c'est tiré de Down 4 Part 1, qui est paru en 2012 sous étiquette indépendant. Nous avions juste avant la formation Orange Goblin, une pièce tirée de Helling Through Fire, qui est paru en 2007, soit The Ballad of Solomon Eagle, qui était sur Mayan Records, c'est excellent. Cathedral et la pièce Open Mind Surgery qui se retrouve sur le rarissime EP A New Ice Age qui est paru en 2011 sur Rise Above, l'étiquette de Lee Dorian. C'était la dernière parution, je dirais studio, format mini-album, trois pièces, avant le dernier album final de la discographie de Cathedral. Et on a ouvert avec une formation que je n'ai jamais pensé encore à animation, puis je me demande pourquoi, mais après l'avoir écouté, je sais pourquoi. Mais non, c'est une blague! Bangzilla. Et la pièce Cash Under Glass est tirée de Ameri Huanikan, qui est le quatrième album de cette formation, paru en 2005, c'est le dernier aussi, sur Relapse. Formation avec un nom comme celui-là et avec un titre de bande comme ça, on se doute bien de quoi est leur de quoi composer leurs paroles principalement, hein? Non, vous le savez pas? Bien, on parle de drogue. Cannabis principalement. Ce soir, une émission relativement chargée, effectivement, parce que c'est la deuxième et dernière partie de mon survol des sorties qui m'ont intéressé, principalement au niveau du métal, bien entendu, durant l'été dernier, parce que, doit-on le dire, je l'ai dit d'emblée lors de la présentation, l'été, elle est terminée. Depuis mercredi dernier, c'est fini. C'est l'automne. Et vous avez qu'à regarder dehors présentement, puis vous voyez que c'est pas mal l'automne. Moi, j'adore cette température. J'adore encore plus, comme je le disais d'emblée aussi, le froid qui s'en vient tranquillement, mais sûrement, pour être probablement même mordant. Mais ça rime en plus de ça, toi. Donc, un survol, partie 2, et comme je l'ai dit, la deuxième et dernière partie de ce survol, parce que, est-ce qu'il faut le dire? Je pense que oui. Durant en fait, ce que je dis l'été, et moi je remonte jusqu'à la dernière émission de réanimation qui avait été le 19 mai dernier, donc ça fait quand même une période de 4 mois. Il y a eu des choses, il y a eu quand même pas mal de trucs qui sont sortis au niveau du métal. Est-ce que je suis prêt à dire qu'ils sont été tous intéressantes? Non. En fait, mais vraiment pas. J'ai trouvé que c'était un été qui était relativement tranquille en sortie. Je dirais d'importance, puis encore là, importance, c'est selon le goût, j'imagine. Mais pour ma part, j'en ai répertorié peut-être, je dirais au total, avec la semaine dernière, entre 12 et 15. J'allais dire, c'est beaucoup pour 4 mois, ben c'est pas tant que ça, compte tenu qu'il en sort énormément des trucs. Il en sort pratiquement tous les jours, sur le monde entier, si on veut. Mais à travers ça, les choses qui sont vraiment intéressantes, je pense qu'on peut les compter justement sur pratiquement les doigts de deux mains. Dans ce cas-ci, je parle de mes mains, évidemment, donc ça fait 15 doigts. Cette deuxième partie, elle n'est pas nécessairement tout à fait chronologique comme la semaine dernière, parce que je suis allé avec, évidemment, le moment où je l'ai découvert, où je me le suis fait conseiller aussi. Et ça nous mène on part du mois d'août, du mois de juillet, du mois de juillet. On va se rendre jusqu'au mois de septembre, bien sûr, dans lequel on va entendre, on va débuter avec la formation Pentagram. Excellent album, Curious Volume, qui est paru le 29 août dernier. C'est curieux de dire que Pentagram font du matériel extraordinaire parce que faut savoir que le chanteur et le leader, le seul membre original de la formation, il tient par la peur, là. Il doit avoir quelques tie rap puis un peu de duct tape qu'il tienne parce que c'est quelqu'un qui est complètement démoli, là. C'est quelqu'un qui est vraiment, c'est un paumé, voilà. Mais il a fait un travail de vocal extraordinaire sur cet album, Curious Volume. Donc, on va entendre Pentagram, on va entendre Lamb of God. Parce que je dois dire que j'ai jamais été vraiment un fan de Lamb of God, mais sous les conseils du Rockmaster, qui lui non plus n'est pas un fan de metalcore, m'a dit, non, Doc, écoute le dernier Lamb of God, tu devrais l'aimer. Et il avait raison. On va entendre The Aggression, on va entendre deux pièces d'Aggression, parce que, faut bien dire, c'est depuis 1987 qu'il n'y avait pas eu de nouvelles pièces originales enregistrées de par cette formation montréalaise, qui maintenant est beaucoup plus une formation, de l'Ouest canadien, mais bon. On va entendre Motorhead, et on va entendre deux pièces de Slayer tirées du nouvel album. Donc, sans plus attendre, allons-y pour cette dernière partie du survol des sorties qui m'auront interpellé au niveau de l'été, et voir un peu plus. Go! We'll be right back.

Right, all right. vous êtes assez fou. 89.1. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas Rock de Neurones les lundis 20h. Samedi le 17 octobre prochain, votre café-bar Le Zénob accueille en ses murs le trio Néligan. Pour une soirée jazz de grande qualité, soyez au Zénob ce samedi 17 octobre 21h30 pour le trio Néligan. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. La chanson t'a dit quelque chose. La voix t'a dit quelque chose. Sur place, peut-être bien l'émission. Y'a qu'une chose que tu sais pas, c'est que Skypunka est maintenant de retour tous les vendredis entre 20h et 22h. Fait que je t'attends. We're on our knees, but we will rise again. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. C'est 19h58 et vous êtes toujours à l'écoute de The Undead Incorporated Show Réanimation. Oh, ma merveilleuse compagnie. Dr. Pain Pendragon encore pour une heure et presque deux minutes. On vient d'entendre cette deuxième et dernière partie des... Ben non, c'est faux. Il m'a resté encore une petite surprise après. En fait, c'était pratiquement la conclusion de cette deuxième et dernière partie de mon survol de l'été des sorties métal. On vient d'entendre formation Slayer, bien entendu, vous les avez tous reconnus, du moins j'ose l'espérer, avec la pièce Atrocity Vendor, qui est tirée de l'album Repentless, qui est paru le 11 septembre dernier, donc pas tant de temps que cela. Mais faites une présentation, le Rockmaster et moi, sur Rock Classic. Ils ont de ces fous il y a, ben, en fait, le 11, effectivement, c'était vendredi le 11 septembre. Moi, personnellement, cet album-là, je l'ai trouvé quand même assez intéressant. On avait une deuxième pièce qui était juste auparavant de Slayer, qui était Repentless, la pièce titre de cet album, qui apparaît sur Nuclear Blast. Il semblait-il que leur association avec American s'est terminée. Repentless, cet album qui est... Ben, en fait, il était probablement attendu par bon nombre d'amateurs de Slayer et de métal. Ce qu'il faut savoir avec Slayer, c'est que on ne se cachera pas et je n'apprendrai rien à personne, j'imagine. Le meilleur est derrière eux, évidemment. Ce qu'on remarque peut-être en premier avec ce nouvel opus, c'est l'absence, bien entendu, et évidente de Jeff Hanneman, qui était pour beaucoup au niveau de la composition de Slayer. Dans cet enregistrement-ci, Kerry King a joué tous les rhythm guitars, une partie des solos, alors que Gary Holt ne s'est joint que pour quelques solos en studio. Donc Gary Holt n'aura pas, ou à peu près quasiment pas, participé à l'ébauche ou la composition des pièces. Pour quelle raison, je l'ignore. J'en ai vraiment aucune idée. Possiblement que Gary, peut-être même encore en transition, à savoir s'il fait partie officiellement du groupe ou s'il est musicien de spectacle, c'est pas tout à fait défini dans le monde de Slayer. Bon, bref, c'est peut-être pour ça. Mais les compositions de Kerry King sont généralement un petit peu plus, je dirais, entre guillemets, je dirais moins percutantes que ce que Jeff Hanneman faisait, moins raffiné. Il reste que je le considère comme étant un album tout à fait intéressant, qui est selon moi absolument pas moins bon que les deux prédécesseurs, qui est peut-être même supérieur à un certain niveau. Ce qu'on a entendu là, c'est majoritairement les pièces les plus vivantes, si on peut appeler ça ainsi, parce qu'ils ont des pièces relativement lourdes. qui sont quand même aussi intéressantes. Moi, je dois dire, je lui ai accordé un 7,5 sur 10. J'écoutais j'écoutais, qu'est-ce que je raconte là? Je lisais différentes critiques de l'album. Et ça jouait. On se rejoignait pas mal au niveau de l'appréciation, généralement parlant. Il y en a qui l'ont carrément pas aimé, mais ça, c'est normal, ça peut pas plaire à tous. Nous avions Motorhead juste auparavant. Motorhead qui, espérons-le, ce ne sera pas la dernière parution studio originale du groupe. On sait que Lemmy a de graves problèmes de santé. Il a dû annuler des spectacles, il a dû annuler à maintes reprises au courant des dernières semaines, des derniers mois. On dit qu'il reprend du mieux, qu'il refait les spectacles aussi, mais c'est un état qui, je considère, étant comme précaire, ce qui peut amener Motorhead à éventuellement une fin abrupte de la carrière qui, quand même, on s'entend, là, on aura une bonne derrière lui. La pièce étant Victory or Die, qu'on trouve sur Bad Magic, c'est paru le 28 août dernier sur UDR Music. C'est bon, Motorhead, c'est Motorhead. Si vous aimez Motorhead, vous êtes pas surpris. C'est du Motorhead. Ça réinvente pas la roue, mais ça la met pas sous crevaison non plus. C'est sont égales à eux-mêmes. Ça fait un bon album. Je lui ai donné un 7 sur 10. C'est évidemment pas mon meilleur album de Motorhead parce que mes préférés sont datent déjà d'il y a quelques décennies, mais ça fait le travail, c'est fort correct. Nous avions Aggression. Bon, Aggression, ce qu'il faut savoir avec le band, c'est que c'est une reformation, oui, une remouture, si on veut, de la formation Aggression qui initialement a fait l'appui le beau temps dans le monde du métal dans le milieu des années 80. Une carrière quand même relativement éphémère pour Aggression, mais fort intense, qui a marqué énormément d'amateurs du genre, de métal, bien sûr, trash, speed, de métal extrême pour l'époque, on doit bien le dire. Donc, le renouveau d'Aggression, ben c'est Denis Sasquatch Bard, bien sûr, qui a toujours été à la tête du band, qui était le seul membre du band actif musicalement, je dirais de façon assez active. Là, je trouve pas d'autres qualificatifs, mais ils ont actif musicalement sur la scène. Il a jamais vraiment mis de côté Aggression. Il avait toujours le projet de pouvoir le refaire. On sait qu'à la mi des années 80, il y avait eu un revival d'Aggression pour certains spectacles. Ça avait été fort bien perçu et bienvenu aussi. Donc, il remet ça. Cette fois-ci, c'est entouré de musiciens qui sont de l'Ouest canadien, dont Brian Langley, qui est le chanteur, qui est l'ancien chanteur de Infernal Majesty, de Ryan Murray, et de Dave Watson. Et à ça, c'est greffé pour une autre fois Yves Doug Duguay, qui est le bassiste original d'Aggression, qui a fait un certain nombre de spectacles avec eux. Et donc, jusqu'aux dernières nouvelles, il serait possiblement encore, actif avec Aggression, quoique on s'entend qu'il y a 5000 km ou 4000 km qui les séparent. Donc, ça va un petit peu plus mal pour se rencontrer plus régulièrement. Mais bon, bref, c'est pas nécessairement un album de nouveau matériel parce que c'est une mixture entre de nouvelles pièces, du remanié et des démos qui n'avaient pas été parus jusqu'à présent. L'album porte le titre de Fracture Psyche Demon. C'est paru le 18 août dernier sur Etiquette Gallery Records. On a entendu Sick and Disturb. On a entendu deux pièces. On a entendu Sick and Disturb. Et j'ai pris contact avec Sasquatch parce que c'est un ami de longue date. Et je lui ai demandé, je dis écoute, je vais parler de quelques nouvelles pièces d'Aggression. Est-ce que tu as des choses que tu veux que je mentionne qui ont un rapport avec ces pièces-là? Mais il m'a répondu. Et ce qu'il faut savoir de Sasquatch, c'est que c'est quelqu'un qui est tout à fait sympathique. Mais c'est quelqu'un qui était un peu disturbed par moment et qui m'a dit, bon écoute, la pièce Sick and Disturb, il m'a dit, ben c'est l'histoire d'un serial killer tueur qui tue dans les haltes routières. Ben normal. Donc, c'est son commentaire, pour lui c'est rien d'extravagant. La pièce qui était qu'on écoutait juste auparavant était Cut Your Sins Off. Celle-ci, par contre, il me raconte, je vais essayer de... Bon, je vais filtrer parce qu'il y a quelques mots qui sont un peu salés dans, dans son texte. Il dit, j'ai eu un, trois petits points de rêve de malade à propos de quatre gars qui travaillaient dans un dépanneur et qui étaient tous des fous à la Capitaine Spaulding. Capitaine Spaulding, si vous, ça vous dit rien, c'est le clown, la vedette, si on veut, de House of Thousand Corpses, qui est le premier film de Rob Zombie, qui est un excellent film d'horreur, assez tordu, avec un personnage tout aussi tordu. Bon, ils étaient tous tellement tannés de faire des meurtres qu'ils ont décidé de se couper les bras, les jambes, leur pénis, de se crever les yeux, de se couper le nez, la langue, pour être certain qu'ils ne pêcheront plus. Tout un rêve. Voilà. Et donc, c'est l'histoire de Cut Your Sins Off. C'est assez évocateur. C'est du grand Denis d'Aggression. Moi, je suis bien content de revoir que les gars sont réactifs, en fait, qu'il y a une reformation d'Aggression qui se font. Puis, il y a la reprise de leur hit, entre guillemets, Metal Slaughter, qui était revu à la sauce 2005, qui est tout à fait intéressante. Nous avons Lamb of God, qui tirait une pièce tirée de Seven Storm Hand Drang, qui est paru le 24 juillet dernier. C'est sous les conseils du Rockmaster que je me suis aventuré à écouter Lamb of God parce que... Moi, ça m'attire pas vraiment. Mais il avait raison. C'est un bon album. Soit dit en passant, Aggression, je lui ai donné un 7 sur 10, c'est vrai. Lamb of God, je lui ai donné un 7 sur 10 également. J'ai trouvé que c'était assez intéressant. Qu'il y avait un côté peut-être plus trash metal présent qu'il y avait auparavant. Encore un petit aspect core, mais je dirais plus dilué. La pièce était Disillusion Pandemic, donc comme je l'ai dit, je l'ai accordé un 7 sur 10. On a ouvert avec Pentagram. Bon, écoutez, je le disais d'emblée tout à l'heure, là, c'est pratiquement un tour de force que Pentagram, avec Bobby Lee Blink, qui est le seul et unique membre original depuis 1971, qui est à la barre du band, ait réussi ce tour de force, comme je l'ai dit, de pouvoir refaire un nouvel album. En fait, le dernier album studio complet était de 2011, quand même pas si loin que ça. Mais l'état dans lequel est Bobby Lee Blink, c'est ça qui devient surprenant, parce que je dois dire honnêtement que cet album-là, Curious Volume, il est très bon. Il est très bon. Il est pas très percutant, la production est correcte, ça manque un peu de gras à mon goût, c'est un petit peu vide, mais l'album est bon, les pièces sont fort correctes, je lui donne un 7,5 sur 10, c'est sur Peaceville Records, c'est paru le 29 août dernier, très belle présentation graphique en plus, qui est évocatrice un peu de Edgar Allan Poe, bien sûr, avec le titre Curious Volume, mais c'est un très beau travail de vocal que Lee Blink a fait. Et probablement que à la fin des enregistrements qu'il a fait en studio, ben il est tombé complètement en morceaux par terre ou peut-être même en poussière. Vous irez voir de quoi il a l'air, ça va vous dire un peu, puis fouillez pour voir un peu quel est son passé. Vous allez voir que c'est quelqu'un de assez surprenant. Ceci étant dit, j'aurai une chronique cinéma tout à l'heure, mais par contre, je vais aller clore cette deuxième partie de survol avec la dernière petite partie qui et porté sur la nouvelle parution de la formation Brutal Death Metal, Technical Brutal Death Metal américaine, Nile, l'album étant What Should Not Be On Earth. C'est un album que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je vous présente deux pièces, je vous propose deux pièces, je ne les présente peut-être pas, vous l'avez probablement déjà écouté. C'est paru le 11 septembre, qu'est-ce que je raconte là, le 28 août. Sur l'étiquette Nuclear Blast, je vous propose les pièces In the Name of Amon et Evil to Cast Out Evil, qui est selon moi la meilleure de l'album. Donc allons-y tout de suite avec Nile.

internet à C'est Fou pour l'écouter. 89.1. L'émission Palmarès du Monde vous offre des entrevues, l'actualité musicale internationale et un top 5 chansons du monde. C'est un rendez-vous tous les jeudis, 17h. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 17h. Vous êtes assez fous. 89.1. Well, 20h24... Vous êtes toujours 24. Vous êtes toujours à l'écoute de réanimation The Undead Incorporated Show avec moi-même, votre humble serviteur, humble c'est relatif, Dr. Ben Pendragon. On vient d'entendre deux pièces extraites du nouvel album de Nile, What Should Not Be On Earth, qui est paru le 28 août dernier sous étiquette Nuclear Blast, les pièces étant Evil to Cast Out Evil. C'est vraiment excellent cette pièce. En fait, j'ai beaucoup aimé l'album, mais vraiment, jusqu'à présent, c'est ma préférée. Et la première pièce d'ouverture était In the Name of Hamon. Donc, bien sûr, encore les gens de Nile qui s'attaquent toujours à un concept qui vient de l'ancienne Égypte avec tous ses mythes et ses rites particuliers, voire de magie. J'ai lui accordé une note de 9 sur 10. C'est un des albums qui m'a plus plu au courant de cette période estivale. Et oui, estivale, effectivement. Je crois que le mois d'août faisait encore partie de l'été. Donc, je crois que c'est un album pour les amateurs de brutal et technical death metal qu'on se doit de posséder. C'est vraiment très bon. La production, par contre, je dois dire que c'est le petit bémol que je lui donne. J'ai entendu des albums de Nile qui sont mieux produits que ça, que la qualité de reproduction, en fait, est meilleure et supérieure à ça. C'est pas désastreux, c'est pas mauvais, mais on a entendu mieux. C'est peut-être le petit point, parce que sinon, je lui aurais accordé probablement un 9,5. Ceci étant dit, autre truc peut-être intéressant pour vous à surveiller, bien le nouvel album de Annihilator, qui porte le nom de Suicide Society, est disponible en version CD et LP. Venez si vous préférez, c'est UDR Music. Et le 9 octobre, voilà. sortie d'une formation canadienne, même montréalaise, qui porte le nom de Vanta Black Warship, qui sortira sous façon indépendante, qui sera disponible en CD et en version digitale. Et on retrouve, entre autres, dans cette formation, ancien membre d'Arsenic 33 et de Goulunatics, qui donne dans un heureux mélange, je dois dire, de Trash Death Groove Metal. Donc, c'est le 9 octobre. D'ailleurs, la semaine prochaine, si vous voulez aller voir sur le site de réanimationad.com, vous verrez que je vous proposerai deux nouveautés qui sont respectivement la formation Fallen Angels et leur album World in Decay, qui donne dans un trash metal assez traditionnel, mais assez mélodique, étonnamment, je dois dire, là. Et justement, cette présentation de Vanta Black Warship, l'album étant tout simplement intitulé Vanta Black Warship. Donc, c'est un rendez-vous pour la semaine prochaine parce que c'est assez intéressant. Cette semaine à Rock Classic, parce que n'oubliez pas de vous joindre au Rockmaster et à moi-même ce vendredi à compter de 11h pour une autre édition de rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, bien entendu. Nous aurons des présentations de nouveautés. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, ici. Donc, nous vous présenterons, entre autres, des extraits du nouvel album de Huntress, The Graveyard et de Cadaver. Et dans les chroniques du Rockmaster, chronique habituelle, chronique des groupes obscurs. Alain vous présentera la formation américaine Frantic, qui a évolué au début des années 70, et une face complète d'un album vinyle classique, paru il y a exactement 50 ans ce mois-ci, le premier disque homonyme de Paul Butterfly Blues Band. Et moi, j'accompagnerai le Rockmaster avec des commentaires tout à propos et tout à fait dignes d'intérêt, voire très intelligents, comme seul moi est capable de le faire. Donc, je ne vous parlerai pas de Huntress parce que je vais faire la présentation à Rock Classic cette semaine. Allons faire un petit tour du côté du cinéma parce que j'ai vu des trucs relativement intéressants depuis la dernière édition de l'animation. J'ai écouté le film. Je vais garder pour la fin parce que c'est selon moi le meilleur. J'ai écouté un film pour me distraire. Généralement, c'est le but d'écouter un film. Mais là, sans aucune autre attente que la distraction, c'est un film de Brad Peyton qui porte le nom de San Andreas et qui met en vedette nul autre que Dwayne Johnson, aka The Rock. Bon, ce qu'il faut savoir avec lui, c'est qu'il n'a plus vraiment de carrière de lutteur, bien entendu, parce que c'est évident qu'il a vieilli, le monsieur, et que ça devient plus dangereux de faire les casse-coups sur les rings. Donc, il a bifurqué vers une carrière cinématographique qui semble quand même assez bien lui sourire, malgré le fait qu'on sait que The Rock, c'est des films dans lesquels il faut pas s'attendre qu'on ait une grande discussion ou un grand, je dirais, texte philosophique loin de là. On ne remet en cause nullement la théorie de la relativité et encore moins aucune théorie qui a un aspect, je dirais, réfléchi. C'est de l'action, c'est généralement juste de l'action. San Andreas, elle dit, c'est l'histoire de l'ouverture de la faille de San Andreas sur la côte ouest américaine. Je dois dire que contrairement à certaines revues ou chroniques que j'ai pu voir qui étaient en fait destructives, je dois dire que moi, ça m'a diverti. C'est un film d'action, faut s'attendre uniquement à ça. Si on s'attend à autre chose, écoutez pas ça. C'est un film de destruction effectivement massive. Les effets sont plus grands que nature, sont très réalistes, le scénario est très banal, mais pour se distraire avec un film où ça explose puis tout s'effondre partout, ça fait le travail. Je vais donner une note de 7 sur 10, ce qui est fort honorable. Autre truc que j'ai écouté, qui m'a quand même relativement bien diverti, il s'agit d'une production de Walt Disney qui porte le titre de Tomorrowland et qui met en vedette George Clooney, Britt Robertson et Hugh Laurie. George Clooney, on le voit un petit peu au début, puis il revient plus tard dans le film. C'est un film de science-fiction et d'aventure qui se passe dans un monde, Tomorrowland, qui se veut une forme de monde parallèle au nôtre et qui, lui, pourra échapper à une destruction certaine, alors que la Terre ne pourra pas. C'est original, c'est rafraîchissant, et je dois dire que c'est aussi très divertissant. Je lui ai accordé un 7,5 sur 10. C'était la portion un peu plus familiale de l'histoire. Le troisième film que j'ai écouté et qui m'a il m'a beaucoup plu, c'est un film avec Tom Cruise et Jeremy Renner. Jeremy Renner, c'est Hawkeye dans The Avengers. Entre autres, parce qu'il a fait bien d'autres trucs. Tom Cruise interprète encore son personnage de Ethan Hunt. Et cette fois-ci, ils sont désavoués. Et ça se passera dans un cadre qui est relativement undercover des agents de Mission Impossible, contrairement à la CIA qui les traque et qui veut les faire, en fait, qui les a dissous et qui veut même les condamner, voire jusqu'à les éliminer s'il le faut. Écoutez, Tom Cruise, il reste un excellent acteur. Moi, je le considère, je l'ai toujours considéré comme un très bon acteur. Aujourd'hui, je trouve que c'est un excellent acteur. C'est un personnage dans sa vie privée qui a des idées qui sont relativement discutables, je dois le dire. Il y a des optiques qui sont peut-être même un peu rétrogrades, mais on n'a pas à voir ces aspects-là lorsqu'il fait un film. Il a très bien joué son rôle encore dans Mission Impossible. C'est un bon film, Rogue Nation, par contre. Et c'est captivant. j'ai donné un 8,5 sur 10. Voilà pour la chronique cinéma la semaine prochaine. Je vous parlerai probablement du film Hidden, qui est un film d'horreur. Et peut-être que je vous parlerai de Biobot, je ne sais pas encore si je vais m'attaquer à la série de La Ship, qui est une série de science-fiction. Ceci étant dit, j'ai dû penser tous mes messages, moi, là, au Rire Classique, j'en ai parlé, les présentations de la semaine prochaine, les animations aussi. Là, oui, écoutez-moi pas, là, je pense à voix haute. Ça me consolide dans ma réflexion. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec moi, puis ça me stabilise parce que seul, j'ai peur. Ben non, c'est faux! C'est faux! Je vous propose d'aller faire un tour du côté d'un bloc un petit peu plus trash metal qui débute avec Sacrifice et la pièce Hiroshima. Go! thorns is where I shall rule. Keeper of all, bringer of death, to challenge me, off with your head. Crimson Lust, warlords of torment that you attack me. Power Man, opposing armies, a beat on your tap. The fatally wounded, forever forgotten, history's written in blood. The pillaging forces, blinded by hate, my kingdom is out of control. We'll be right back. to a thrust, hurry to sew on the patch. Strap to the table and cut to the bone. The blood type is just not a match. Stand on the skin. What do you do next? Who must you call? The way to your death. They do. They take your name. Your heart and soul. Yes, yes, a name. Give it the law. Body harvest. Let that to rise. Exodus et la pièce Body Harvest, une récolte de corps. C'est tiré de leur dernière parution Blood In, Blood Out, qui est paru le 10 octobre 2014 sur Nuclear Blast. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon album et j'étais très content de retrouver Steve Souza au vocal. Nous avions Testament. En fait, c'était, comme je l'ai dit, c'était un bloc qui était axé sur le thrash metal, principalement américain et nord-américain. Donc, Testament de la pièce Throne of Thorns, qui est tirée de Dark Roots of Earth, qui est paru en 2012 sur Nuclear Blast. C'était aussi leur dernière parution, Testament, qui, si je ne m'abuse, était au Heavy Montreal cette année. Moi, j'ai vu Testament en spectacle une seule fois. C'est correct, mais c'est pas le spectacle par excellence. On s'entend que c'est un peu redondant au bout de 5-6 pièces là, sur scène, mais c'est correct, là, ça fait le travail. Chuck Billy est très drôle avec son demi-pied de micro et simulant d'y jouer de la guitare. Et on est ouvert avec la formation canadienne Sacrifice et la pièce Hiroshima. C'est tiré de leur dernière parution et possiblement la dernière à vie, selon ce que Robert Benatti m'avait dit, The One I Condemn, qui est paru, comme je l'ai dit, en 2009 sur Marquee Records. Je lui avais demandé, est-ce que, là, c'était lors de la venue, ce qu'ils avaient fait ici au Metal Fest de Trois-Rivières Metal. J'avais eu l'occasion de discuter avec lui, personnage très sympathique d'ailleurs, et je lui avais demandé la reformation de Sacrifice pour quelques spectacles. Est-ce que ça présage une réunion en studio? Il dit non, je crois pas. Mais jusqu'à présent, ça prouve qu'il avait raison. Je vous rappelle que la semaine prochaine à Réanimation, je vous présenterai deux albums sur Fallen Angels et l'album World in Decay, formation de trash très mélodique américaine, et la formation canadienne québécoise montréalaise, Vanta Black Warship et l'album. En fait, c'est un c'est quand même un album assez complet, je dois dire. Homonyme, soit Vanta Black Warship. J'ai trouvé ça très intéressant. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. Et n'oubliez pas d'être parmi nous ce vendredi dès 11h, Rock Classique en compagnie du Rockmaster et de moi-même pour une autre émission consacrée aux vrais amateurs de vrai rock. Et aux amateurs de niaiserie aussi, à l'occasion, effectivement. Et aux amateurs de bonne musique, finalement. Ben oui, c'est ça, ça se résume à ça. Écoutez, moi, je vais vous laisser avec une dernière pièce qui est tirée d'un album qui porte le titre de At War With Reality, qui est paru en 2014 sous l'étiquette Century Media. Je parle de la dernière parution de la formation At The Gates, une formation européenne, bien sûr, qui donne, elle aussi, dans un trash plus cru, peut-être, qui est une des rares... Ben, rares, non. J'exagère, une des formations comptées que j'apprécie dans le genre européenne. On va cesser avec la pièce de Circular Ruins. C'est un très bon album. Si vous ne l'avez pas déjà procuré, vous-le, parce que ça vaut vraiment la peine. Et bien entendu, je vais vous prodiguer des bons soins verbaux qui sont, d'ici là, allez tous vous faire foutre. See you.